D'une sœur comme toi qui porte le hijab, qui est déjà mariée à cet âge-là. Ça me fait plaisir, machallah. Mais moi j'ai pas choisi le même chemin que toi. J'ai voulu monter sur des bracos, faire de la thune en gros, niquer tous les grossistes, insulter les racistes, semer les keufs en R6. Un putain de V6. J'suis au bus à Kyanko toute la semaine. J'piquera mes CD hiver comme été. J'représente les Algériens, ma sœur, mon frère et mes cousins. On est des terres, nous les Algériens. On lâchera rien, mon cousin. J'm'en bats les couilles, tu le sais très bien. J'lâche pas l'affaire, y'a trop de racistes, cousine. On fout le feu, on lâche pas le prise. Les fachos, les bâtards, on laisse à pas faire. On est des guerriers avant tout, mon frère. C'est mort. Ça est de truand de la galère. Ma petite sœur, écoute bien ton grand frère. J'ai pété les plombs tout seul. Je vais tous les menacer, leur mettre un calibre entre leurs nez. Puis grave la drogue à leur gosse. Comme ça, ils iront tous crever. J'ai pété les plombs, j'prends 2 ou 3 ans par un fils de pute de facho qui a faux témoignage. J'prends 10 piges, un mec à côté prend 20 piges. C'est la même, c'est bâtard, il libère les pédophiles. Et nous on prend toujours 15 piges. J'suis toujours déterminé, l'État veut nous barber des années. Ils ont fait la guerre aux Algériens et nous on lâche rien, mon cousin Nick, c'est les fachos. La France veut qu'on porte leurs couleurs et leurs drapeaux. Mais dans nos cœurs y'a que des douleurs, regarde les infos. Un petit beurre se fait buter pour rien gros. Comment veux-tu pas péter les câbles, piquer la hala et arracher tout ce qui se passe. La vie est très lâche, comme tu vois les bâtards par derrière. Jamais par devant, tu te mangeras une balle. Nique ta mère si tu parles derrière. Moi j'ai la rage, j'pèse les fachos. J'lâche pas l'affaire, morsaille. J'suis trop déter, un Algérien j'porte trop. Mon drapeau c'est l'Algérie, j'lâcherai jamais mon pays. Nique tous ceux qui parlent derrière moi, nique tous ceux qui parlent derrière toi. Nique ceux qui sont Sisra, nique les Hnouches Sisra, nique la justice Sisra. Big up à ceux qui respectent high. On n'est pas des fous, on est juste devenus des vrais chelous, des vrais mecs chelous. J'vois louche quand j'lis ma feuille, j'sais plus lire, je deviens trop fou.